Cocorico de Bruno Hetz. Cocorico! Oh, impossible de fermer l'œil. Cocorico! Depuis que j'ai avalé ce maudit coq. Cocorico! Toc toc. Tiens, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, c'est toi, voisin. Dis donc, ça t'embêterait de faire taire ton coq? Je ne peux pas dormir. Je n'y arrive pas. Bah, tu devrais manger une poule. Ça occupera ton coq, il fera moins de bruit. Bonne idée. Je vais faire ça dès demain matin. Poink. Ah ben, tu tombes bien. Je commençais à m'ennuyer dans ce ventre. Le seul moyen de nous sortir de là... c'est de faire le plus de bruit possible. Quel bazar! Tu réveilles tout le monde! Va voir un docteur! Bonjour, docteur. Oh, j'ai un problème. Ça s'entend. Ouh là là, oh, c'est très grave. Bientôt, la poule va faire des œufs. Et de ces œufs vont sortir des poussins qui vont devenir des poules, des coqs. Si vous voulez mon avis, vous devriez manger un renard. Un renard? Pourquoi faire? Eh bien, pour qu'il mange toute cette volaille, pardi. Cocorico! Merci. Hey, toi, viens un peu là que je te mange. Ça va pas, t'aurais été ma boule, toi. Ma boule? Retire ça. Abruti! Cocorico! Cocorico! Ouh là là là là, le médicament n'a pas marché. Il va y avoir du boulot pour refermer ce bazar.